Chapitre 83. L'interdiction de confier l'autorité ou la fonction de juge à celui qui la réclame ou la convoite, ne serait-ce que par allusion. 680. Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, rapporte qu'il se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, en compagnie de deux de ses cousins. L'un d'eux dit alors, « Ô messager d'Allah, désigne-moi comme chef d'une des contrées qu'Allah azza wa jal t'a confiées. » Et le second fit la même demande. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit, « Par Allah, nous ne confions jamais le pouvoir à celui qui le réclame ou le convoite. » Al-Bukhari et Muslim.